بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في سورة الطالق. سورة الطالق في المسألة 21 بعد 200، لا 221 مسألة، في قوله تعالى: فما أهل الكافرين أمهلهم رويدا. Le sens où Allah dit: et accorde donc un délai aux mécréants, accorde-leur un court délai. Verset 17. قال هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. Donc là, ce délai accordé aux mécréants, c'est-à-dire dans ce verset, s'oppose à la parole d'Allah dans le sens où il dit et tuez les associateurs où que vous les trouviez. C'est-à-dire ça dans le cas où il y a un djihad légiféré qui soit bien évidemment en place et non pas dans l'absolu. Donc là, on a un verset qui dit de leur laisser un délai et un autre verset qui dit qu'il faut les tuer où nous les trouvions, c'est-à-dire lors d'un djihad. Sourate Tauba, verset 5. Qala al-jawabu anna al-imhal mansukhun bi ayati as-sayf wal 'ilmu 'inda Allah ta'ala. Donc la réponse tout simplement que ce délai accordé a tout simplement été abrogé par le verset de l'épée, c'est-à-dire le verset là cité dans Sourate Tauba. Donc ce verset là est considéré comme étant abrogé selon l'avis de l'auteur. والله تعالى اعلم والحمد لله رب العالمين.